Bonjour mes frères et sœurs, et nous allons continuer ce matin notre troisième chapitre de l'Épître à Timothée. Et si vous voulez bien, nous allons commencer par la prière. Notre bon Père du ciel, qu'il est bon de s'arrêter dans nos activités et de s'asseoir à tes pieds et de vouloir entendre ta parole, de vouloir entendre ta voix. Ta parole nous décrit ton enseignement ou les vérités que tu nous dis ou les proclamations que tu fais. Ta parole est comparée à l'eau que nous avons besoin pour vivre. Elle est comparée à la nourriture, des choses qui nous sont essentielles pour la vie physique. Comme ta parole est essentielle pour nous dans notre vie spirituelle. Seigneur, continue encore ce matin. Je sais ce qu'on va entendre n'est pas quelque chose qu'on veut humainement parlant entendre, de se faire dire que si on aime Dieu, si on aime Jésus, nous avons d'être persécutés. Aide-nous à bien comprendre, à bien saisir, aide-nous à accepter ce que tu nous dis ce matin, car nous voulons être sujet de gloire pour toi. Amen. Je crois que jusqu'à un certain point, Paul arrive ce matin au point central de ce qu'il voulait parler à Timothée. Jusqu'à un certain point, je crois qu'il arrive dans le pointu, là. Dans le bout de l'entonnoir. Et dans les moments de persécution, c'est jamais facile. Il n'y a personne qui se réjouit, il n'y a personne qui saute au plafond parce qu'il se fait dire le matin, « Aujourd'hui, tu vas être persécuté, mon ami. » Et on voit dans la Bible, on voit Jésus, on voit Paul, on voit les apôtres, on voit les chrétiens du Nouveau Testament dans les Actes des apôtres, que tous, autant qu'ils sont, autant qu'il est possible, fuient la persécution. Jésus, à plusieurs reprises, se cache dans la foule. Il va fuir parce qu'on veut lui tirer des roches, qu'on veut le persécuter, qu'on veut l'attaquer, qu'on veut le faire mourir. Autant qu'il le peut, il fuit. On voit Paul s'enfuir dans un panier qui descend la muraille pour fuir la persécution. Donc, autant qu'ils le peuvent, ils s'éloignent, comme on a vu hier, de ces hommes qui veulent leur faire du mal. Mais nous allons lire ce matin qu'est-ce que Paul dit à Timothée. Pour toi, en comparaison avec ces hommes-là qui étaient rebelles à la vérité. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelles souffrances n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelles persécutions n'ai-je pas supportées? Et le Seigneur m'a délivré de tout. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Hier, on a vu qu'il a dit, regarde bien ce que ces hommes-là enseignent. Regarde bien leur conduite. Et et éloigne-toi de ces hommes-là. Mais tu vois mon enseignement et ma conduite. Je suis présentement en prison. Je souffre présentement. Je suis enchaîné présentement à cause de cela. Tu connais. Tu as vu tout ce qui s'est passé dans ma vie. De ville en ville. Tu as vu, on a fui à plusieurs reprises. On s'est caché à plusieurs reprises. On a souffert à plusieurs reprises. J'ai été fouetté, Timothée. J'ai été mis en prison, Timothée. J'ai été lapidé, Timothée. Tu sais, Timothée, toi. Mais tu m'as vu réagir aussi, Timothée. Tu as vu que je n'ai pas changé ma conduite. Tu as vu que je n'ai pas changé mes projets. Mes projets, c'est quoi? L'implantation d'église, Timothée. La proclamation de l'Évangile. Tu connais ma foi. Tu connais que je ne me suis pas rebellé. Tu connais que ma douceur, ma soumission à tout cela. Je ne me suis pas révolté contre Dieu, contre les hommes. Tu connais mon amour pour Dieu, pour les élus. Pour les enfants de Dieu, pour les inconvertis. Tu connais ma constance dans le sens que tu as vu que je n'ai pas arrêté. Je crois que c'est ça qu'il faut comprendre ici dans l'ensemble, Timothée. Malgré tous les moments difficiles qui sont arrivés dans ma vie, Timothée, je n'ai pas changé le message. Et je n'ai pas changé mes projets. Je n'ai pas changé mon attitude envers Dieu, envers les non-croyants, envers les élus. J'ai accepté la souffrance que Dieu a apportée dans ma vie. Timothée, tu as vu comment j'ai réagi à la persécution, à la souffrance. Mais il dit, mais le Seigneur m'a délivré de tout. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire par « il m'a délivré » ? Et il n'a certainement pas empêché les persécutions. Parce qu'il y en a tout au long des actes des apôtres. Ça, c'est sûr. On ne peut pas vouloir penser ici que Dieu m'a délivré dans le sens qu'à un moment donné, à force de prière, ben il a arrêté. J'en ai plus eu de persécution. Non, ça, jusqu'à la fin des actes des apôtres, on voit Paul, ça termine, qui est en prison à Rome. Il a délivré, ça veut-tu dire que... À travers ces persécutions-là, Dieu l'a protégé pour pas qu'il ait de souffrance? Ben non, on le voit, la flagellation, lapidation, la nudité, il décrit sa vie dans 2 Corinthiens, et on voit très bien qu'il a souffert continuellement à cause de l'Évangile. Est-ce qu'il parle de la délivrance, dans le sens que il n'est pas mort? Bon, mieux, il était arrêté, persécuté, des fois mis en prison, des fois fouetté, des fois lapidé, mais finalement, Dieu le délivrait puis il ne mourrait pas. C'est-tu ça que ça veut dire? Peut-être. Mais est-ce qu'il parle surtout de la délivrance morale ou spirituelle? En tout cas, c'est là. C'est là parce que Paul, Dieu l'a certainement délivré dans le sens de la tentation, de ce que Timothée est en train de vivre, là. Je ne crois pas que Paul se met ici au-dessus de Timothée et dit, « Moi, Timothée, tu vois bien Timothée. Moi, j'étais un homme qui n'a pas eu peur et j'avais pas aucun problème. J'étais pas, j'ai jamais douté. J'ai jamais eu de problème avec les persécutions et même je me réjouissais toujours. Et moi, la persécution, ça m'a jamais rien fait. » Je ne crois pas qu'il est en train de dire ça. Mais je crois qu'il dit à Timothée ce qu'il a dit à Timothée dans cette épître-là ici. Timothée, quand c'est arrivé dans ma vie, j'ai fait comme je t'ai dit, je me suis fortifié dans la grâce qui était en Jésus-Christ. J'ai regardé vers l'avenir par la grâce de Dieu. J'ai regardé ce qui m'attendait par la grâce de Dieu. J'ai regardé vers la destinée que Dieu m'avait mis devant moi. Et j'ai regardé la gloire que ça l'amenait à Dieu. J'ai regardé le salut qui était amené aux élus. Parce que j'acceptais de souffrir à certains moments donnés dans mon travail. Dieu m'a délivré de la tentation qui était d'abandonner. Timothée, tourne-toi vers Dieu. Fortifie-toi dans la grâce. Désire la gloire de Dieu plus que la gloire des hommes. Pense aux élus, Timothée. Pense qu'à cause que j'ai accepté les souffrances, il y a des gens comme toi, Timothée, qui sont venus au Seigneur. Regarde tous les hommes et les femmes qui sont venus au Seigneur à travers notre ministère, de toi et de moi. Parce qu'on a accepté la souffrance. Le Seigneur m'a délivré. Ailleurs, il va dire, Dieu m'a délivré de la gueule du lion. Je crois que c'est la même pensée ici. Dieu m'a délivré de sombrer dans la déprime, dans la dépression spirituelle, dans le découragement, dans le reniement. Donc les deux peuvent être vrais. Soit qu'il parle de la délivrance, que ça durait seulement qu'un temps, après ça, il y avait des périodes d'accalmie. Et ça reprenait, il y avait d'autres périodes d'accalmie. Ou bien non, qu'il parle de la délivrance spirituelle, de la tentation qui est d'abandonner, qui est de renier dans les moments difficiles de persécution. Il a terminé au verset 10 en disant, « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Qu'est-ce que ça veut dire, « vivre pieusement en Jésus-Christ » Vivre dans la piété. Et c'est important ici. Parce qu'il y a des gens qui vont vivre des vies pieuses, des vies très religieuses, qui ne seront pas persécutées, qui vont même être acclamées. Ce que le monde déteste, ce n'est pas nous avec nos bonnes œuvres. C'est quand on ouvre la bouche par rapport à Jésus-Christ. C'est parce que ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ. Vous avez déjà demandé pourquoi les gens persécutaient Jésus? Et parce qu'il a été Lucie, hein? C'est un homme de bien. Il faisait du bien, socialement parlant. Comme nous autres, on pourrait faire du bien autour de nous. On pourrait faire des bonnes œuvres par rapport à la nourriture. On pourrait faire des bonnes œuvres pour aider les gens qui sont dans la misère. On pourrait faire toutes sortes de choses, de gros programmes sociaux pour aider les pauvres. Et les gens vont nous applaudir en grande partie du temps. On peut faire des petites Sœurs Thérésa. On peut faire des petits cardinals légers. On peut faire des petits Gandhi. On peut faire tout ça et on va être applaudi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Jésus l'a fait. Mais ceci n'évitera pas à long terme la persécution. Parce que Jésus ne l'a pas évité. Paul ne l'a pas évité ici. Mais c'est quand on est en Jésus-Christ, la piété qui est en Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce qu'on parle? On parle de la personne de Christ, et on parle de l'œuvre de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est drôle que c'est quand on parle de la grâce qui est en Christ qu'on est persécuté. Avez-vous remarqué que quand Paul parlait de ces hommes-là hier, les hautains, les arrogants, les orgueilleux, qui renient la force qui est dans l'Évangile. La force de l'Évangile, c'est la grâce qui est en Christ. Parce que la grâce et le sacrifice de la croix humilient l'homme, humilient les arrogants, les calomniateurs, les fanfarons, les égoïstes. La religion élève l'homme. La grâce qui est en Jésus-Christ abaisse l'homme. Et l'homme ne veut pas cela. C'est pour rien. C'est pas pour rien. Quand Jésus a parlé que l'homme était pécheur, et que lui venait les sauver par pure grâce, que c'est là qu'il se faisait persécuter. Il faut comprendre que l'aide sociale ne va jamais régler le problème. Il faut toujours accompagner notre aide avec l'Évangile, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un un jour qui m'a demandé pourquoi est-ce que j'aidais pas certains mouvements qui aidaient les pauvres dans le monde. Et j'ai dit à plusieurs reprises, je suis pas contre ça. Et vu que je suis pas multimilliardaire, je peux pas aider toutes les causes. J'ai dit, j'aime mieux aider les causes, les organismes qui, en même temps qu'ils vont aider les pauvres, qu'ils vont aussi proclamer l'Évangile, qui vont proclamer les personnes, la personne de Jésus-Christ et son œuvre. Il dit, Timothée, si tu veux vivre pieusement en Jésus-Christ, tu vas être persécuté. Jésus nous avait avertis dans le chapitre 15 de l'Évangile de Jean. S'ils m'ont haï, ils vont vous haïr. S'ils m'ont maltraité, ils vont vous maltraiter. Excusez. Le disciple n'est pas plus que son maître. Acceptons cela. Je ne sais pas. On voit bien à travers l'histoire que l'Église a subi plus ou moins de persécution. Il y a des moments donnés, c'est plus fort que d'autres. Je ne dis pas qu'il faut chercher les persécutions. Mais ça va venir. Ça va venir selon la souveraineté de Dieu. Ça va venir avec la force que Dieu a décidée. Mais quand ça vient, il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Quand on peut la fuir, on la fuit, comme y ont fait les apôtres et Jésus lui-même. Mais quand on ne peut pas, on l'accepte. Pour la gloire de Dieu, pour le salut des élus. Notre Père du ciel, merci que tu nous as dit ce matin encore une fois que la vie en Jésus-Christ ne sera pas toujours facile. Même tu nous as dit dans le début du chapitre qu'il y a des temps difficiles qui attendent tes enfants. Et ta parole nous dit ailleurs dans Matthieu que toutes les nations vont haïr les enfants de Dieu. Mais nous l'acceptons. Nous l'acceptons de souffrir pour toi parce que toi, tu as accepté de souffrir pour nous. Nous acceptons de souffrir parce qu'ainsi nous montrons que tu es plus important que nous, que ton œuvre est plus importante que nous, que nous avons encore la gloire de Dieu et le salut des élus. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.